Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. 600 000 francs burundais par mois, c'est désormais le montant payé pour la location des stands aux alentours du marché de Ruvumera en zone Buyenzi. La mairie de Bujumbura promet d'autres stands à ceux qui ne pourront pas s'en acquitter. Reportage à suivre. Et la violence faite aux enfants par les personnes adultes peut être expliquée par la difficulté pour elles de gérer leur stress. Vous suivrez les éclairages d'un psychologue et clinicien à la suite d'un enfant récemment battu à mort en province Kirundo. Et trois cas de choléra sont déjà déclarés en province Chibitoke. C'est la conséquence d'un manque d'eau potable que l'on observe dans certaines localités. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les commerçants exerçant sur les alentours du marché de Ruvumera se lamentent que le paiement de leur stand à raison de 600 000 francs burundais par mois risque de les écarter de l'activité commerciale puisque certains d'entre eux ne parviennent pas à faire un tel bénéfice mensuellement. Ils demandent au gouvernement de diminuer ce montant. Le maire de la ville de Bujumbura leur rétorque que ceux qui seront incapables de s'acquitter des frais de location bénéficieront des stands qu'ils pourront payer. Un reportage de Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Les commerçants qui ont des stands à l'extérieur du marché de Ruvumera ont mal accueilli la décision qui a été prise par la mairie de Bujumbura de payer mensuellement un montant de 600 000 francs au sein de l'office burundaise de recettes. Nous voyons que c'est une grande somme d'argent par rapport à la somme que nous étions habitués à payer. Auparavant, on payait 110 000 francs bout, mais nous allons commencer à payer les 600 000 francs bout. C'est beaucoup plus. Ces commerçants de Ruvumera demandent au gouvernement de revoir cette mesure du fait qu'elle ne va pas faciliter leur travail. Nous demandons qu'il y ait une diminution de cette somme d'argent parce qu'aujourd'hui, les clients n'achètent pas normalement à cause de la hausse des prix. 600 000 francs, bout, c'est trop. Le maire de la ville de Bujumbura indique que cette décision a été prise après la descente dans ces stands où le constat était que ces stands payaient mensuellement le loyer de 600 000 francs. Je dois vous dire que nous avons fait une descente qui fait suite à une descente qui avait été organisée par l'Aubert, là où l'Aubert s'est rendu compte qu'il y a des places où la quasi-totalité des occupants payaient 600 000 francs. Aujourd'hui, on a décidé qu'avec le contrat qui sera signé, qui est en train d'être signé, que tout le monde qui occupe la partie qui avait été visitée et dont on avait conclu que le paiement est de 600 000 francs puisse être 600 000 francs pour tout le monde. Jimmy Atungimana précise que les commerçants qui ont peu de moyens bénéficieront des stands qu'ils sont capables de payer. C'est vrai qu'il y aura des imperfections quelque part. Nous allons faire en sorte qu'on puisse écouter les doléances des uns des autres pour qu'ensemble avec l'Aubert, on puisse étudier cas par cas afin de décider quoi il faut faire. Et au cas où l'occupant se voit incapable de continuer à payer, l'administration de la mairie va faire vite pour trouver une place finalement qui convient à cette personne. Parce que tout le monde n'a pas le même pouvoir d'achat. Cette mesure de payer 600 000 francs à l'office burundaise des recettes va entrer en vigueur à la fin de ce mois de juillet. Quant aux commerçants qui ont des stands à l'intérieur du marché, ils vont payer mensuellement un montant de 450 000 francs. Jean-Marie Vianney Ngendakumana, c'est un reportage que vous pourrez suivre dans notre édition de la soirée à la télévision Isanganiro. Trois cas de choléra se sont déclarés en province Chibitoke, dont deux sur les collines, Rugombo en commune Rugombo et Murambi en commune Uganda. Ces cas sont consécutifs au manque d'eau potable observé là-bas, où les habitants utilisent les eaux de ruissellement dans les caniveaux de Nyamagana et Muhira, selon Murikiye Leokadi, responsable du centre de santé de Rugombo. Il s'observe un manque d'hygiène dans plusieurs restaurants et débits de boissons du chef-lieu de la province Chibitoke. Okay. En effet, ceux qui fréquentent ces lieux se soulagent sur les murs des maisons avoisinantes ou dans des parcelles vides. Les propriétaires de ces parcelles craignent des maladies démentielles. Le responsable du service d'hygiène en province Chibitoke envisage d'entrer en contact avec les autorités administratives pour que des sanctions soient prises contre les responsables de ces restaurants et tenanciers de débits de boissons. Alexis Ndayiragiche. Plusieurs restaurants et bistrots du chef-lieu de la province Bitoki et du chef-lieu de la commune Ugombo n'ont pas de latrine. Et ceux qui fréquentent ces lieux ne font que se soulager sur les murs des maisons et dans des parcelles non encore construites. Les usagers de ces lieux, les locataires des bistrots et restaurants et les voisins de ces lieux craignent les maladies d'un main sale. Le problème en soi est qu'il y a des différentes maladies liées au manque d'hygiène, car d'une manière générale, chaque bar devrait avoir sa propre latrine. Les locataires des bistrots et restaurants demandent aux propriétaires des maisons de disponibiliser des lieux où ils peuvent construire des latrines. Nous sommes des locataires, raison pour laquelle les lieux où nous pouvons installer des latrines restent toujours problématiques. Nous demandons à nos propriétaires d'installer des latrines pour que chaque bar ait ses propres lieux d'aisance. Le responsable du service d'hygiène en province de Bitoki, Augustin Bonima, indique qu'il va saisir ses collègues de l'administration afin de sanctionner ceux qui ne possèdent pas de latrine. Depuis Bitoki, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro. Alexis Ndairagije, merci. La Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance, FENADEB, s'inscrit en faux contre l'assassinat d'un enfant dans la province de Kirundo. Cette organisation demande à la justice de poursuivre la personne qui a commis cet acte. Adrien Dereimana, chargé de la communication à la FENADEB, intervient en réaction à la mort d'un jeune garçon de Kirundo et qui aurait succombé lundi aux blessures lui infligées par un adulte. Il avait été admis à l'hôpital samedi. Suivez-le. La Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB en sigle, interpelle les autorités judiciaires à poursuivre l'auteur du crime conformément à la loi et indemniser la famille de la victime. La Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB en sigle, profite de cette occasion pour lancer un appel à tout un chacun en général et aux parents en particulier de suivre de près leurs enfants afin de mieux les encadrer pour leur épargner de tomber dans les mains des malfaiteurs. Un passé douloureux ainsi que le stress mal géré pour les personnes adultes, c'est ce qui justifie un comportement de violence fait par ces dernières envers les enfants. Explication donnée par Alexis Ndaïziguié, psychologue clinicien qui prend en charge les enfants au moment où on parle du cas de l'enfant d'une dizaine d'années battu à mort à Nyakibingo en province de Kirundo. Il propose aux adultes de privilégier le dialogue avec les enfants plutôt que de les battre. La gestion des émotions, ce sont des compétences que l'individu acquiert depuis l'enfance. Et si l'enfant a une émotion, par exemple, négative ou un trouble affectif depuis l'enfance, donc dans son évolution, il va continuer à utiliser la violence. Il doit répondre à la violence par la violence, le stress par le stress. Et dans ce cas, il n'est pas à mesure de savoir ce qu'il faut faire dans cette situation. Et son cerveau qui est submergé par le stress va le pousser à réagir de façon incontrôlée. Dans ce cas, c'est la problématique. Même au niveau familial, il y a des conflits souvent. C'est parce que l'un de deux n'est pas à mesure de contrôler ses émotions. Ne pas avoir été stressé. J'y allais directement sur les conseils en disant que avant, quand l'individu se trouve dans une situation où il se sent stressé, où il se sent il n'est pas à l'aise, il devrait attendre un moment pour que les hormones de stress qui submergent dans son cerveau, et puis dans ce cas, il sera, la place occupée par ces hormones sera occupée par des hormones qui le poussent à réagir de façon positive, à répondre de manière neutre devant cette situation stressante. Par exemple, si c'est le cas d'un enfant, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants, à un certain moment, ont un niveau de compréhension des choses qui n'est pas égale à celui d'un adulte. Ce que les parents devraient savoir, même les éducateurs, même les autres personnes qui se croisent souvent avec des enfants, ils devraient connaître que les enfants ne comprennent de la même manière et au même niveau et au même rythme les conseils, les règles sociales. Les enfants se trouvent dans une situation de s'intégrer, donc ils veulent s'intégrer. En s'intégrant, ils commettent des erreurs et aussi ils font des essais et des erreurs. Et dans ce cas, en faisant de telle manière, souvent dans un état où il a besoin d'être orienté ou réorienté. Alexis Ndaïziguié, il est psychoclinicien et prend en charge les enfants. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Les prix du ticket de transport en commun nouvellement fixés par l'État ne sont pas respectés au chef-lieu de la province Makamba et surtout par les véhicules de type Probox. Par exemple, de cette province à Bururi, on paie entre 10 000 et 4 500 francs prévus par l'État burundais. Cette spéculation s'inscrit dans un contexte de pénurie de carburant. Les passagers et les conducteurs des véhicules assurant le transport en commun craignent de mourir de faim si la situation persiste. Élisée Cuisera. Le matin de ce mercredi, les voyageurs qui partent de Makamba Bururi payaient 10 000 francs contre 4 500 francs selon le prix de l'État. De Makamba Rutana, ils payaient 12 000 contre 6 500 et de Makamba la commune Nyanzalake, ce trajet se payait 7 000 francs au lieu de 5 000 selon les prix de déplacement nouvellement fixés par l'État burundais. Rencontrés au parking du chef-lieu de la province Makamba, certains de ces voyageurs disent qu'ils n'ont pas de choix, quoi que soit le prix du ticket de transport, et d'autres préfèrent ajourner leur voyage faute de moyens de déplacement, et cela à cause de la pénurie et la hausse du prix du carburant. Parmi les stations sises au chef-lieu de la province Makamba, celle qui a été dernièrement approvisionnée du carburant de type essence connaît déjà au moins des semaines sans son carburant. Les conducteurs des véhicules assurant le transport en commun signalent que même celui qui a été disponible ce mardi dans la commune Kayogoro n'était que de 5 000 litres et chacun de ceux qui ont eu la chance d'en bénéficier ne recevait que 30 litres. Cela étant, au moment où ces conducteurs grognent qu'ils ne le trouvent même plus sur le marché noir, ces voyageurs et conducteurs demandent à l'État burundais de fournir du carburant en quantité suffisante au prix modéré. Depuis Makamba, Élisée Cuisera, Radio Isanganiro. Merci Élisée Cuisera. Les habitants de Gitega divergent sur le concept de quota ethnique au Burundi. Certains trouvent que ça n'a pas de raison d'être aujourd'hui et demandent qu'il soit supprimé et que l'occupation de l'un ou l'autre poste se fasse selon les compétences professionnelles. D'autres par contre trouvent qu'il faut plutôt les maintenir et les respecter car à part que ce sont des piliers de l'accord d'Arusha, ils sont à la base de la paix et de la stabilité du pays. Le Sénat burundais envisage d'analyser si le respect de ces quotas est toujours opportun. Gérard Nibigira. Certaines personnes rencontrées à la colline Kiremera, commune Guiheta, province Gitega, trouvent qu'il faut supprimer les quotas ethniques dans certaines institutions étatiques afin que telle ou telle autre personne occupe un poste quelconque selon ses compétences patriotiques et professionnelles. Notre avis est que les quotas ethniques soient supprimés et ainsi nous serons tous appelés Burundais tout court. Sinon, si nous disons que celui-ci est en Hutu, et celui-là un ministre de telle ou telle autre ethnie, quelle sera la finalité après lui avoir collé une identité ethnique? Il faut plutôt tenir compte des compétences professionnelles et patriotiques d'un individu sans considération de son appartenance ethnique. D'autres personnes rencontrées dans la ville de Gitega trouvent plutôt que les quotas ethniques doivent être maintenus car émanant de l'accord d'Arusha et ils ont beaucoup contribuer dans le rétablissement de la paix au pays. Les quotas ethniques ont beaucoup contribué dans le rétablissement de la paix du pays. Ils ont permis à tout le monde de se sentir bien représenté dans les institutions de l'État. Ils ont aussi contribué dans la stabilité du pays et le partage du pouvoir. Il y a un avantage de ces quotas ethniques. Quant à moi, ça serait nécessaire de respecter ces quotas ethniques. Mon avis est que les quotas ethniques soient maintenus dans la mesure où, vu l'histoire de notre pays et les conflits qui ont résulté de la pratique d'exclusion, vu aussi que ce sont ces quotas ethniques qui ont mis fin à tout cela, nous voyons qu'il faut les maintenir et même les respecter fortement. Cela étant, il existe une autre catégorie de gens de Gitega qui affirme qu'ils ne savent rien de ces quotas ethniques. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Et de son côté, le Conseil national des églises du Burundi, SNEB, appelle le Sénat à mener une enquête scientifique basée sur un échantillon représentatif des ethnies. Selon leur secrétaire général du dit conseil, avec les réponses données, la Chambre haute du Parlement proposera des orientations. Révérend pasteur Sylvestre Bizimana estime qu'il y a d'autres défis économiques qui hantent le pays et qui devraient trouver solution. Le Burundi a souffert des crises qui étaient basées sur les ethnies. Les accords ont précisé le quota ethnique. Actuellement, nous avons eu la paix. Mais nous demandons que le Sénat puisse mener une enquête scientifique basée sur un échantillon représentatif des Hutus, des Tutsis et des Twa pour qu'ils se prononcent par rapport à cette question. Et avec les réponses ou les données qui proviendront de cet échantillon-là vont permettre au Sénat de proposer une orientation au gouvernement, au pays, au Burundi, s'il faut abolir le système de quotas ethniques ou non. Sinon, avant que cela ne soit parfait, il me serait très difficile de dire qu'il faut abolir les quotas ethniques ou non. C'est vrai, nous avons eu la paix avec la signature des accords d'Arusha et de cessez-le-feu. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. Nous sommes dans une guerre économique où une grande partie de la population est pauvre. Nous nous disons que c'est vrai, ces quotas ethniques nous ont permis d'avoir la paix, et nous ont permis d'observer un cessez-le-feu. Mais il y a une autre guerre qui est très dangereuse, qui nous hante, auquel je me dis qu'on devrait placer les gens, les Burundais, selon les compétences et non selon les ethnies. Parce que nous venons de passer pas mal d'années après la signature des accords d'Arusha. Aujourd'hui, il y a une autre guerre qui est très dangereuse, à laquelle il faut faire face pour que le Burundi soit réellement stable. Révérend pasteur Sylvestre Bizimana, il est secrétaire général du Conseil national des églises du Burundi. En international, le président russe Vladimir Poutine doit rencontrer les dirigeants africains qui se réuniront en fin de semaine à Saint-Pétersbourg lors d'un sommet Russie-Afrique. 49 pays africains et 17 chefs d'État ont confirmé leur présence. Le président burundais Evariste Ndayishimiye sera de la partie puisqu'il a pris l'avion ce mardi à destination de la Russie. Selon les experts, cette rencontre est une étape importante devant conduire à la reconfiguration des relations entre Moscou et le continent. Ce sommet intervient quelques semaines après que les dirigeants africains ont tenté de peser dans la recherche de la paix entre l'Ukraine et la Russie. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.